Dis, Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast. Bibou et Bibounette, Bibounette et Bibou, ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou, Bibounette, chez Bibou, Bibou et Bibounette. Net, net, net, net. Bonjour les enfants, bonjour Bibounette. Bonjour mon Bibou. Comment vas-tu? Bah ça va bien et toi mon Bibou? Ça va très très bien. Et les enfants, bienvenue dans Massacre à la tronçonneuse, raconté aux enfants. Pour les petits enfants. Exactement. Alors aujourd'hui les enfants, nous allons vous raconter l'incroyable histoire de méchants hippies qui puent. Et qui un jour sont allés déranger le pauvre petit Leatherface, oh qui ne demandait rien d'autre qu'à être tranquille chez lui. Et d'ailleurs, Bibounette, j'ai une question à te poser. Sais-tu pourquoi les hippies puent? Eh ben moi j'ai une petite idée. Je pense qu'ils ne se lavent pas. Exactement, Bibounette. Et je crois que tu as un petit conseil à donner aux Tout enfants, à fait. En fait, oui. Les petits enfants, petits garçons, petites filles. Ou autre, sachez que c'est très important, rappelez-vous les enfants, il faut se laver et se brosser les dents. Tous les jours. Tous les jours, le matin et le soir, sinon, c'est le minimum. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On devient un hippie. Et personne ne veut ça, les enfants? Eh ben non, personne ne veut de hippie. Ok, très bien. Si, Bibounette, mais bon, on va pas le dire. Bibounette, qu'est-ce que tu penses de comment c'est l'histoire? Eh ben oui, cette magnifique histoire de Leatherface. Alors, permets-moi de te couper. Avant toute chose, attention les enfants. Oui, attention. Parce que je sais très bien que vous êtes de petits filous, oh, je vous connais. Les Après filous. Cette histoire, vous allez vouloir forcément jouer avec la tronçonneuse de papa, qui se trouve sur une étagère très haute dans l'atelier. Ah, prenez une chaise dans la cuisine d'ailleurs, ou dans le débarras. D'ailleurs, n'hésitez exactement, pas. Elle est facilement accessible en montant sur une chaise. Tout à fait. Ou un petit tabouret aussi peut très bien faire l'affaire. Exactement. Mais attention les enfants, je vous mets en garde. Et oui, parce qu'il y a des sécurités sur ces objets. Exactement. Mais vous inquiétez pas. Si vous voulez la démarrer, il faut bien penser à ramener le frein de sécurité sur la poignée de maintien avant de l'allumer. Sinon, ça ne marchera pas. Ben non. Et du coup, on pourra rien faire. Alors suivez bien ces conseils et c'est parti. Vous pouvez aller faire peur aux chiens ou faire une blague en courant après vos camarades. Ou faire peur à papa et à maman qui Exactement. Sont tranquillement installés dans leur chambre la nuit. Exactement, Tout Bibounette. À fait. Si nous commencions l'histoire. On va commencer cette histoire. C'est parti. Le livre que vous allez entendre raconte la tragédie dont 5 jeunes furent les victimes. En particulier, Sully Hardesty, qu'on appellera Sully, et son frère handicapé, Franklin. Leur jeunesse rend ce récit encore plus tragique. Jamais ils n'auraient imaginé être un jour les témoins de la macabre démence qui sévit ce jour-là. Une paisible promenade estivale allait virer au cauchemar et l'Amérique allait découvrir le crime le plus étrange de son histoire, le massacre à la tronçonneuse. Ouh. Tout commence le 18 août 1973. Des photos prises au flash dans la nuit révèlent des gros plans sur des cadavres qui ont été exhumés après le pillage de tombes dans un cimetière de la petite ville de Nutt, comté de Muerto, au Texas. Confère notre cours d'espagnol. Si. Pendant qu'une voix à la radio annonce ces événements, la caméra, par un lent travelling arrière et en contre-plongée, révèle un monument trophée macabre fait de cadavres adultes en décomposition tenant dans ses bras un enfant, également en décomposition, assis ou empalé sur un monument. Un second corps, toujours selon la radio, aurait été exhumé et une dizaine de tombes vides recensées. Ouh là là. Des morceaux de corps ont parfois été détachés de ces cadavres. Ces exactions ne semblent pas récentes. Des habitants se sont rendus au cimetière, craignant pour leur mort. Les familles ont été prévenues et, selon les shérifs Maldonato, L'enquête est en cours, mais aucun suspect n'a été arrêté. Une lune pleine s'inscrit dans la nuit noire, immédiatement suivie par un fondu enchaîné de l'image d'un tatou renversé sur le macadam mort. Lui succède un van transportant 5 jeunes gens s'arrêtant au bord de la route, dont s'extrait un jeune homme qui fait descendre Franklin, un handicapé cloué dans son fauteuil, pour qu'il puisse uriner dans une boîte. Oh là là. Mais un camion semi-remorque passe à si vite allure que l'effet de souffle jette à bas le jeune homme et projette le fauteuil en bas du talus, renversant au sol son propriétaire. Oh, pauvre Franklin. Eh oui, oui, oui. Mais il n'y a plus de peur que de mal et le van poursuit sa route. Cependant que Franklin se plaint de la chaleur accablante. Pam, assise à côté du conducteur, lit sa revue American Astrology et signale à tous, inquiète, que la rétrogradation de la planète Saturne amplifiera le phénomène maléfique prévu dans le zodiaque. Oh là là. Puis le van fait halte devant le cimetière. Oh. Sally, l'autre jeune fille, demande où se trouve la tombe de son grand-père et apprend qu'elle n'a pas été profanée. Ah, ouf. Ouf, une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle. Exactement. Le van reprend alors sa route et, peu après, les passagers sont dérangés par une odeur pestilentielle provenant des anciens abattoirs. Franklin en profite pour relater de la façon barbare employée naguère pour tuer le bétail et insiste sur le progrès que représente le fusil à air comprimé. Le van s'arrête ensuite pour prendre un autostoppeur. Oh là là! Et c'est ainsi que deux membres de sa famille qui travaillent à l'abattoir et y a travaillé lui-même, il préfère la bonne vieille méthode de l'abattage à coups de masse et explique comment on fabrique le fromage de tête en utilisant tout. La langue, les joues, le muscle, les ligaments, etc. Miam miam. Il leur montre même des photos. Brusquement, il s'empare du couteau de Franklin, oh là là, et se coupe profondément la paume de la main faisant couler le sang. Tout en riant, mais oui, il exhibe un rasoir, puis photographie Franklin et exige d'être payé $2. Oh. Devant le refru des jeunes gens, il met le feu à la photo et entaille le poignet de Franklin avec son rasoir. Oh, avant de sauter du van et d'en accompagner la course en essuyant sa main sanglante sur la carrosserie. Eh ben dis donc. Pendant que Sally soigne Franklin, Pam reprend sa lecture et propose l'horoscope de Franklin. Bah oui, un horoscope. Des gens pénibles autour de vous pourraient perturber la journée. Et celui de Sally ? Saturne domine les Capricornes, il est parfois difficile de croire ce qui arrive, comme par hasard. Tous deux, peu réjouissants. Le van s'arrête à une station-service où l'employé au lavage regarde fixement le disque parfaitement rond au soleil. Le patron avertit qu'il n'a plus d'essence et conseille aux jeunes gens qui demandent où se trouve la maison des Franklin de ne pas s'amuser dans les maisons abandonnées. Non, non, non, non. Il en profite pour vanter la qualité de ses grillades. Regardez comme sont belles mes belles grillades. Franklin se met à creuser la portière à l'aide de son couteau. Il semble fasciné par le geste de l'autostoppeur, fou, et le sang laissé sur son couteau. Eh ben dis-toi. Ah oui. Ils finissent par trouver la maison recherchée. Franklin est obsédé par les traces en forme de signes obscurs laissés par l'autostoppeur et a du mal à se résoudre à l'effacer, pendant que Sally présente la maison de son grand-père aux trois autres. Pam et Kirk souhaitent aller se baigner et Franklin leur indique le sentier à suivre. Ils découvrent, à l'une des entrées de la bâtisse familiale, assemblée au sol et suspendue à l'auvent, des sortes de trophées dont l'un rappelle le signe sanglant dessiné sur le van. Ouh là là là là là là là là là là. Pam et Kirk ne trouvent pas l'eau promise, mais entendent un bruit de moteur et Kirk pense qu'il pourra acheter de l'essence pour le van. Ah, ça c'est bien ça. Oui, oui, oui, oui. Il se dirige vers l'habitation. Tout à fait. Sur un arbre proche, qui ombrage une tente éventrée, pendent des ustensiles domestiques hétéroclites. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien être ? Un cimetière de voitures jouxte la maison auprès de laquelle fonctionne un générateur d'électricité. Ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un ? Je ne sais pas, Bibounette. cœur que découvre une dent sur le porche d'entrée. Oh non. Effrayée, Pam propose de partir, puis s'installe, mécontente du refus de Kirk, sur une balancelle, pendant que son ami entre dans la maison à la recherche d'un occupant. Rien de tel qu'un tour en balancelle. Il y découvre, au fond d'une pièce ouverte, un mur tapissé de crânes et d'os divers, et entend des grognements de cochons. Oh là là, comme Babe. Oui. Il s'avance et voit surgir un boucher affublé d'un masque de cuir imitant un visage humain qu'il assomme à coups de masse. Pam, inquiète de ne pas voir réapparaître son ami, entre à son tour dans la maison pour se retrouver dans une petite pièce où gisent au sol et pendent du plafond des dizaines d'ossements divers. Elle vomit, poulala, ça c'est crasseux, normal. Et se rue vers la sortie. Mais elle est empoignée sur le pas de la porte par le boucher qui l'embrache avec un croc et, sous ses yeux, attention Bibou, se met à tronçonner le corps de cœur. De leur côté, Jerry et Sally essaient vainement d'apaiser les craintes de Franklin, encore sous le coup de l'incident et obsédé par les traces sanglantes sur le van, à propos d'une éventuelle vengeance de l'autostoppeur à son encontre. Ils demandent même à Sally de lui retrouver son couteau. Jerry décide de se rendre à la crique pour se joindre à Pam et Kirk. Il arrive à son tour devant la maison. Il signale sa présence. Ouh. Comme personne ne répond, il finit par rentrer. Il s'aventure plus avant et entend des chocs provenant d'une sorte de vaste coffre fermé. Il l'ouvre et découvre Pam ensanglantée. Tu te rends compte, Bibou ? Oui. À ce moment-là, surgit le boucher qui le frappe aussi à coups de masse avant de repousser Pam qui essayait déjà, bien sûr, de sortir de son coffre. Puis le monstre va s'asseoir dans la pièce ossuaire. Oui. La nuit est venue et Sally actionne le klaxon pour signaler leur présence à ses amis. Toujours attendu, pauvre Sally. Cependant que Franklin redoute qu'il ne se soit perdu. Il les rappelle, klaxonne encore et puis Sally décide de partir à la recherche. Alors, ça fait au moins 4 groupes de une personne. Mais Franklin insiste pour l'accompagner. Sally pousse alors le fauteuil devant elle et ils avancent avec peine dans l'obscurité hostile de la nuit. Vous inquiétez pas, car lorsque dans le halo blafard de la torche jaillit le boucher fou armé de sa tronçonneuse qui se met à découper Franklin, éloué sur son fauteuil dans les hurlements hystériques de Sally. Oui, il fallait s'y attendre. Oui. Elle s'enfuit en criant son horreur, bientôt poursuivie par Leatherface dans le vacarme incessant de la tronçonneuse. Oh là là. Accrochée par les buissons, talonnée de plus en plus près par le boucher fou jusqu'à la maison de l'horreur, où elle entre en croyant trouver du secours. Mais oui. Elle se précipite dans l'escalier et entre dans une pièce où sont assises 2 personnes dans de grands fauteuils. Mais qui cela peut-il bien être ? Eh bien, ce sont en fait une vieille femme momifiée et un vieillard quasi mourant. Toujours hurlant, elle reprend sa course. Et pour échapper à Leatherface, entré derrière elle, elle saute par la fenêtre et s'enfuit une nouvelle fois. Oh là là. Au cœur de la nuit, dans le vrombissement survolté de la tronçonneuse jusqu'à une vaste bâtisse. Une porte s'ouvre et un homme la fait entrer. Elle essaye de raconter ce qui s'est passé. Il la rassure et lui explique qu'il va la conduire chez lui. Oh là là. Pendant qu'il quitte la pièce pour aller chercher son camion, Sally, hors d'elle, essaye de reprendre ses esprits en sanglotant. Mais oui, parce qu'elle a quand même perdu ses amis quand même. Oui. C'était hippie. On n'est pas loin du boubou, loin de hippie quand même. Elle entend à la radio le journaliste faire le point sur les exactions commises au cimetière et détailler par le menu le saccage auquel se sont livrés les profanateurs. Une dizaine de cercueils pillés, corps démantelés, tête, pieds ou bras arrachés. Le shérif Maldonado pense à une bande organisée de pilleurs de bijoux, mais il ne s'explique pas la disparition de certains cadavres. Cependant que son regard s'attarde sur l'âtre de la cheminée dans laquelle pans d'une vingtaine de saucisses à la cuisson. Oh, ça a l'air bon. L'homme revient avec son camion. Mais il en sort avec un sac et une corde. Sally a beau se débattre et lutter, rien n'y fait. Il la roue de coups et lui enferme la tête dans le sac. Oh, attention. En route vers on ne sait où, il lui parle pour essayer de la calmer tout en ricanant. Oh bah ça va alors. Approchant du lieu où ont été massacrés les compagnons de Sally, il rencontre sur le chemin l'autostoppeur. Il arrête son camion pour le bousculer et le frapper en lui reprochant d'être allé au cimetière, d'avoir failli être pris et d'avoir laissé son frère seul à s'occuper des autres jeunes gens. Une fois arrivé à la ferme familiale, il adomestre le boucher pour avoir tronçonné la porte et lui demande ce qu'il a fait des autres jeunes gens, pendant que son autre fils attache Sally, bâillonnée sur un fauteuil, et lui enlève son sac de la tête. Ah. Le père commande à son fils, l'autostoppeur, d'aller chercher le grand-père, qui doit participer au repas. Mmh. Bah oui, il doit avoir faim, papy. Mais il faut manger quand même. On l'installe à côté de Sally, dont on entaille le doigt pour qu'il en suce le sang. Elle s'évanouit. Oh. Quand elle revient à elle est à table en compagnie du grand-père, du père et de ses deux fils qui prennent leur repas. Un repas familial. Exactement, c'est très important, Bibounette. Tout à fait. Elle a beau implorer ses bourreaux, ils sont inflexibles et l'autostoppeur propose de laisser faire le grand-père, l'un des meilleurs abatteurs de bétail. Elle est arrachée de son fauteuil et livrée dans les hurlements au marteau du grand-père, trop faible, malgré l'aide de son petit-fils pour l'atteindre. À force de se débattre, elle parvient à échapper à ses bourreaux et saute par la fenêtre. Oh, mais quel suspense ! Elle s'enfuit dans le jour naissant, poursuivie cette fois à la fois par l'autostoppeur et par Laserface. Arrivée sur une route et au moment où elle va être rejointe, surgit un semi-remorque qui ne peut éviter l'autostoppeur qui l'écrase. Laserface, fou de rage, reprend sa course derrière Sally, qui va chercher refuge dans la cabine du poids lourd. Attaqué à son tour, le chauffeur prend la fuite en compagnie de Sally, qui arrête une camionnette dans laquelle, après l'avoir obligée à faire une embardée, elle saute. Secouée d'un rire hystérique de peur et de soulagement, la voilà bien en sécurité. Laserface, voyant sa proie lui échapper, hurle en faisant tournoyer sa tronçonneuse qu'il brandit vers le ciel. Eh bien, dis donc. Je crois qu'on a réussi à endormir les petits enfants. Mais oui, je crois qu'ils dorment en fait, ils se sont endormis. Oh, c'est vrai que c'est une histoire agréable pour s'endormir, n'est-ce pas ? Exactement, oui. Oui. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr. Moi, j'ai envie de te dire à bientôt, Bibou. À bientôt, Bibounette. Pour de nouvelles histoires pour enfants. À bientôt. À bientôt. Bonne nuit. J'ai eu au moins deux fous rires retenus.